et rivière médite. Il ne conserve plus d'espoir. Cet équipage sombrera quelque part dans la nuit. Rivière connaît la femme de Fabien, inquiète et tendre. Cet amour, à peine lui fut prêté, comme un jouet à un enfant pauvre. Rivière pense à la main de Fabien, qui tient pour quelques minutes encore sa destinée dans les commandes. Cette main qui a caressé, cette main qui s'est posée sur une poitrine et y a levé le tumulte, comme une main divine. Cette main qui s'est posée sur un visage et qui a changé ce visage. Cette main qui était miraculeuse.